إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد J'en premier lieu les artavir du Samirin, car les tasjilat précédentes, les enregistrements précédents étaient de mauvaise qualité. Problème technique avec les enregistreurs. Narajoun yakun arsan fil mustaqban, inshallah, à partir de ce cours. Et les bruits de fond, ça c'est inévitable. Dolos fil masjid, la boud min zalik. Patientez, les bruits de fond, les voix, tout ça, ça on ne peut pas y échapper. La siyama fi misad al masajid allati hiya amira bil ilm fi al dars al madi akhadna ay bab khawf min al shirk na'am ahsant wa hadha al bab kana yahuthu wa la ikhlas al niyyah de avoir une bonne niyyah comme on a pris mathalan dans par rapport à Ria. Wa shirk ma natijatu, c'est quoi le, ça finit par quoi le shirk akbar, celui qui met son shirk akbar, wa mukhalid fi an-nar, il est au feu éternellement. Ou un shirk ashar, ou un alayhi sallam. Ou un riya, celui qui a du riya dans son. Dans sa ibada, qu'est-ce qu'il en est? C'est du shirk ashar. Ou la ibada, elle est annulée. À Kazam ou Tlaqan? Ça dépend si c'est une partie de. Comme Cheikh Al-Tamid, l'avait dit, si tu commences ta ibada et tes mouflis, que pendant ta ibada. Il y a une partie de ton adoration de Tania alors en fonction des gens. Là, et que tu ne repousses pas et que tu laisses ça, là, cet avant-là, elle est annulée. Non, si tu. Tu n'as pas que pour les gens. Ah, bah, si tu perdures sur Ria, dans ta Ibada, elle rentre en cours de Ibada et tu la laisses. Ibada, en tout cas, tu peux. Ama, si tu la repousses. تدفعها فإن شاء الله يعني سلسين شراء أكسبته طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى الشهادة أن لا إله إلا الله qui est le باب de l'appel à la shahada de la ilaha illallah. Wa munasibat hadhi al-bab wa hadha al-bab, ça suit les maratib pris dans salasat al-usul au début, les quatre masail qu'on doit savoir, qui sont awalan al-ilm. On a appris c'était haqqullah ala al-ibad, al-amal bih. On a appris c'était quoi tahqiq al-tawhid, tout en ayant connu le fadl tawhid. Thumma ad-da'watu ilayhi, appelé à cela. Comme l'auteur là le cite maintenant, le fait d'appeler à ce droit d'Allah qu'on a connu, qu'on a que le mérite. Donc maintenant il revient, comme on l'a su pour nous-mêmes, de le propager et de l'enseigner à autrui. Biqadr istita'a. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. وقوله تعالى on peut dire قوله تعالى وقوله تعالى قوله على نوع معطوف دعاء c'est à dire باب قوله تعالى ou alors qu'il est c'est une jumla jadida وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقان الله وما أنا من المشركين. Dans le sens où Allah il dit, voici donc mon sentier, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Et là c'est du verset, subhanallah, et je ne suis pas du nombre des associateurs. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أي باب وجوب فضيلة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن أختها. Donc là c'est le chapitre qui est l'obligation tamam, d'appeler à cela. Al-Shahada an la ilaha illallah et kathalik anna Muhammadan Rasulullah. Car c'est sa sœur. Aujourd'hui, Ummat al-Istijaba, la Shahada, elle comprend deux faits. La ilaha illallah, à Muhammad Rasulullah. قال فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد ولاتباع الرسول وهذا واجب على العلماء وفرض عليهم. Il dit donc là le but de l'auteur, c'est l'appel au tawhid et au suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car cela est obligatoire sur les ulama. C'est une obligation qui s'appelle à cela. Et on va prendre également, on va profiter de Kalam de Shia en féminine, car dans ce bab là il y a pas mal de paroles à lui, Mufida. Mazalna fi qol Shia ibn Baz, qal, fal wajibu ala an yadu al ulama ila tawhid illahi wal ikhlas lahu, wa tark al ishrak ma'ahu. وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به وترك مخالفته. هذا نطق بيرسي والله يدير. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوا لسبيل ربك تمام كي لو ميم سونس كو ادعوا لسبيل ربك appel au sentier de ton Seigneur. وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Et qui est de meilleure parole que celui qui appelle à Allah. Donc il répète que l'obligation des ulama, c'est d'appeler au tawhid avec sincérité envers Allah. Adam akhudni aishay, qul hadi sabili ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Donc tu obligé de le faire pour Allah sincèrement. Et de délaisser le fait de l'associer quoi que ce soit. Et le fait d'avoir iman au Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et de le croire et de le suivre. Et de délaisser tout ce qui s'oppose à son ordre. Et là, ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un khitab, am, qui est tourné vers toute sa ummah. Il y a des choses qui sont propres à lui, et des choses qui sont propres à tous les musulmans. Et ce verset-là, même malgré que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager, quand même, cool. Comme a dit Allah azza wa jal, hadi sabili. Quand même, ma kalek, koulou. Il a dit cool. C'est-à-dire à toi, Muhammad. Mais ce verset-là, en même temps, est tourné vers tout le monde. Wa fi qawlihi. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah. La ila al-mulk aw hadh aw mal aw shan min shu'un ad-dunya, bal li tawhidillahi wa ittiba' shar'ihi. Donc il dit dans la parole, j'appelle à Allah, c'est-à-dire je n'appelle pas à la royauté. Je n'appelle pas à une part, je n'appelle pas pour l'argent, je n'appelle pas pour avoir un statut en cette dunya. Mais j'appelle au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de sa sharia. Huna yaqul al-shaykh al-Uthaymeen fi hadha par rapport à cette partie du verset. فَالدَّعِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُخْلِسَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُوَصَّلَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالدَّعِي إِلَى غَيْرِهَا وَإِلَى غَيْرِهِ قَدْ يَكُنُ دَعِيًا إِلَى نَفْسِهِ. Que celui qui appelle Allah SWT et qui est sincère, c'est celui qui veut faire parvenir les gens à Allah SWT. Son but c'est que les gens arrivent à Allah SWT. Et celui qui appelle à autre que cela, il se peut qu'il soit quelqu'un qui appelle à lui-même, à sa propre personne. يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه ولكن لم يدعو إلى تركه. Il a dit que مثلا, tu peux le voir مثلا, en apparence appelé à la vérité, et en réalité il fait cela pourquoi? Pour que les gens le glorifient, pour être bien vu auprès des gens et être respecté auprès des gens, pour sa personne à lui. Il a dit, c'est pour cela que tu le verras, Mathalène, si les gens enfreignent et tombent dans les mukharafat, ça ne lui fait rien, ce n'est pas en colère. Par contre, si les gens n'obéissent pas à son ordre, ils se mettent en colère. Quand ça touche à la religion, tu vois, il s'inquiète, quitte, ou il n'est pas trop... Mais quand les gens ne font pas ce que lui il dit, il se met en colère. Pourquoi? Parce qu'il appelle à sa personne, à lui-même. Et ça, ce sont les gens qui appellent justement à avoir beaucoup de gens autour d'eux. Ils veulent la kasra autour d'eux. Parce que leur but, c'est quoi? C'est que les gens soient autour d'eux. Pas d'appeler vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce fut la da'wa des ikhwan muslimin, Hassan al-Banna. Ta'awun fima, ta'fakna alayhi. La qa'ida. concentré dans ce coin, on était d'accord. Qu'on s'excuse dans ce coin, on diverge. Alors, c'était quoi son but? D'amener le plus de gens possible autour de lui. Parle pas sur le Soufi, parle pas sur le Rafidi, parle pas sur le Shi'i, Amshi, Kuluna Ikhwan. D'où le Tasmiya Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, comme ils disent en France. On est tous des frères sur l'islam, c'est tout. Ala kulli ma sahih. Quand même, on s'entraide dans ce qu'on est d'accord. Donc c'est ce qui se passe, c'est qu'on se diverge, si jamais il y a une mukhalafa. Ala yukhalif al-adilla ala al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Donc ça c'est le shan pour reconnaître les prédicateurs qui appellent à eux-mêmes ou qui veulent obtenir une part de ce bas monde, tu les verras tomber dans les mukhalafat eux-mêmes déjà, dans leur personne, faire des choses. C'est-à-dire même des fois tes gens ils s'appellent au minhaj salafi et ils font tout pour ne pas s'opposer à la kafra. Dès que la masse est sur quelque chose, il ne veut pas s'y opposer. Pourquoi? Parce qu'il a peur que tout le monde le délaisse. Car lui, ce qu'il veut, c'est avoir des gens avec lui. Donc tu le vois suivre tout ce que là, où il y a un courant, où les ulama qui sont les plus célèbres, qui ont plus d'autorité, il est avec eux tout le temps, même s'ils ont tort. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être délaissé. S'il dit, la vérité, on va me délaisser. Et moi, je vais avoir des gens avec moi. Donc tu le vois tout le temps en avant. Dès qu'il y a une fitna, tu vois la tête la première tomber dedans. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas la vérité, c'est avoir les gens avec lui. Le haq, il le connaît, mais il n'ose pas s'y opposer. C'est le chaîne de beaucoup de gens qui tombent dans le faux en le connaissant parce qu'ils ont peur de perdre leur part de ce bas monde. Qal ara basira, sur la clairvoyance. Yani ala ilm wa huda. Quand même, d'appeler au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science et guidé. C'est ça parmi les sifas du da'i d'Allah. Il appelle avec ilm et avec guidé. Comme le cheikh Ibn Baz, par la hada, لا يدعون عن جهالة كما قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة. C'est-à-dire qu'ils n'appellent pas avec ignorance. Ce qu'ils font, ils le font avec clairvoyance et avec science, avec guidé et avec l'usloub al-munasib, comme cela va venir dans le hadith de Ibn Abbas. Et Cheikh Othaymine, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette partie du verset? يفسدوا الدعوة عدم الإخلاص وعدم العلم وليس المقصود بالعلم في قول الله عز وجل وعلى البصيرة. Il dit donc que les choses qui détruisent une da'wah, qui la corrompent, qui le nuisent, c'est le fait de ne pas avoir d'ikhlas dedans, dans cette da'wah. Comme il a dit, adou il Allah. Ça s'amène à quoi l'ikhlas dans ta da'wah, que tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de ne pas avoir de science, dans sa parole où il dit, ala basira. Et après, c'est le reste. Al-ilmu bi shal'i faqat. بل يشمل العلم بالشرعي والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل الى المقصود وهو الحكمه فيكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصله لتحقيق الدعوه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تاتي قوما اهل الكتاب. Donc tu ne dois pas seulement connaître la science qui est relative à la législation, à la charia, des ahkam et des masail, mais tu dois également connaître, tu dois avoir la science de la situation du mad'ou, celui que tu appelles. Sur quel hal il est pour savoir la façon adéquate de pouvoir l'appeler pour pouvoir parvenir à l'objectif. Mais selon les dawabit shari'a, c'est pas tu fais n'importe quoi. Il faut que ça reste également des choses qui sont permises, bien évidemment. Et c'est ça la sagesse. Tamam, que tu sois clairvoyant des règles du shara, également du hal du mad'ou. Et que tu sois clairvoyant sur la façon de parvenir à la concrétisation de cette da'wah. Comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Mu'az, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, comme cela va venir dans le hadith, qu'il a dit, tu vas venir faire un peuple, gens du livre. Il a averti vers qui va se rendre. Donc il dit par rapport à cela, que les gens après, quand tu connais le hal des gens que tu appelles, tu sais quel usloub emprunter avec eux. La base c'est le rifq, la douceur. La base c'est le rifq, c'est la douceur. Certains, ils ont besoin, mathalen, des fois même d'argent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui leur donnent l'argent pour pouvoir gagner leur cœur. La zakat, quand c'est dans le verset des gens qui mettent la zakat, ceux dont le cœur sont à gagner. T'en as le kalem, ça suffit. Et t'en as, il faut, mathalen, la shidda. Il faut avoir des paroles dures avec eux. Et t'en as, il faut carrément le jihad, le combat. pour qu'ils soient avilis et après ils sont obligés de se soumettre. Après, s'ils sont hypocrites, ça apparaîtra par la suite. Ou t'en as, c'est quand ils voient tout le monde faire quelque chose, ils saisissent la masse. C'est-à-dire, tu vas le voir lui en premier, il ne va pas vouloir. Il va voir tout ça sans autour de lui se faire convaincre et accepter la darwa. Il va dire, bah, si ils acceptent, c'est qu'il y a un khay, donc tu vas accepter aussi. Mathalan. Donc savoir comment faire, par qui commencer, qui est le meneur dans le groupe, qui sont les suiveurs, savoir par qui commencer, quel usoub emprunter pour pouvoir n'arm arriver à cela. Fumakol, فالجاهل لا يصلح للدعوة وليس محمودا وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. Il dit l'ignorant ne convient pas à faire la da'wa. Cela n'est pas recommandé, n'est pas louable, et cela n'est pas la voie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Car le jahil fait plus de mal qu'il ne fait de bien. Pourquoi il a envoyé Mouaz quand il va venir? Parce que Mouaz était un savant. Il n'a pas envoyé le premier venu, il a envoyé celui qui était adéquat pour la situation. Et tu as des gens, malheureusement, à cette époque, ils n'ont pas étudié, ou pas grand-chose, ils se mettent en avant, ils s'imaginent être arrivés à un stade où on a besoin d'eux. Et tu les vois, même s'ils ont des massas, ils qui connaissent, ils ont une façon de faire. Elle est détestable. Pas d'éducation, pas de comportement, pas de respect. Que de la chida, que des insultes, que de l'arrogance, que de l'insolence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été éduqué. Il va connaître des choses, on ne dit pas il connaît rien du tout, mais les jahil de al-usub al-munasif al-da'wa. Il ne sait pas se comporter avec les gens. Il n'a pas de patience, il n'a pas. Malheureusement, tu n'en as pas des comme ça. Il se précipite trop. Et ceux-là, on craint qu'ils rentrent dans ce que le chien dit au début, qu'ils appellent eux-mêmes en fait. Leur but, ce n'est pas d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir une autorité auprès des gens, de se faire connaître. Qu'ils aiment être en avant. Peut-être qu'ils aimaient avant leur astikama, leur islam, et c'est resté dans leur cœur cette maladie de célébrité, de notoriété, et veulent le garder encore par la suite, malheureusement. Et ils font des dégâts, beaucoup de dégâts, malheureusement. Et quand c'est cela ajouté à l'orgueil, le conseil n'accepte pas, c'est encore pire encore. Tu le conseilles, il t'insulte. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala, par rapport à ce verset, il dit, par rapport à cette aya, Maratib al-Da'wa ala thalath aqsam, bihasb hal al-Mad'u. Que les étapes de la da'wa sont de trois catégories en fonction du Mad'u, celui que tu appelles. Il les a mis en trois sortes de personnes. Il y a à la base al-Muridu lil-Haqq. Celui qui veut la vérité. Lui, de lui-même, il va venir peut-être vers toi t'interroger, ou la mort de parole, tout de suite, il va accepter. Le cœur est ouvert, il veut la vérité à la base. Donc lui, il n'aura pas besoin de parler beaucoup avec lui. Très peu de calme, ça va suffire pour qu'il soit convaincu. Après, on a celui, l'oubissa alayhi, qui veut le haq, mais s'est fait tromper. C'est-à-dire, la vérité, il la combat. Quand il s'imagine que, c'est la faux, que cette vérité, c'est le faux. Quand il a entendu des gens lui dire des choses, ou il s'est fait tromper par son entourage, ou il a des shubuhat. Lui, tu passes avec lui, tu l'expliques. S'il est sincère, il veut le haq, inshallah, il va l'accepter. Tu lui démontres que ce qu'il a en tête, c'est faux. Tu dissimes ses ambiguïtés. Avec bon comportement, bilati yahsan, inshallah, il va accepter. Il va se rendre compte qu'il a eu tort. Et il va revenir. Et t'as le mu'anid. Lui, c'est celui qui ne veut pas. Il ne veut pas. Tu peux venir avec 10 000 adillah. Tu peux venir avec le meilleur du comportement, il ne veut pas. Donc lui, soit il va te rejeter par différents usloub qui sont faux, par de la bida, peut-être même du kouf, il va être orgueilleux de parler du kouf, ça dépend de qui il est, si c'est un kafir, c'est un moubtadir, si c'est un fasir, ça dépend de qui t'as affaire. Ce que tu vas porter comme haq, il va rejeter. Et s'enfoncer dans le faux, dans lequel il est. Lui, il est mu'anid, il ne veut pas. Et à Tambi, par rapport au fait d'appeler les gens, le fait que les gens t'aime pour que tu sois un sabab pour les ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un mal. Comme Allah azza wa jal fi kitab al-karim waj'alna lil-muttaqina imama. Fais de nous un guide pour les pieux. Il y a une personne par qui on est guidé. Donc si ton but en cela que les gens t'aiment parce que tu es un moyen de pouvoir les faire parvenir vers Allah subhanahu wa ta'ala vraiment pour Allah, adama fi ma'ani. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour un bon comportement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Zuhwaïsera qui a dit Ardil Mohammed, soit juste Mohammed? Pourquoi il a dit? Pourquoi qu'on dise que Mohammed tue ses ashab. Donc il fallait être bien vu par rapport aux gens. Pourquoi? Pour appeler les gens à la da'wah. C'est pas que les gens t'aiment pour ta personne, mais t'aiment parce que tu sais que tu as des choses à leur faire parvenir que peut-être ne connaissent pas. Quand Ibrahim li abihi, ya abati, inni kod ja'ani min al-ilm, ma lam ya'tika fattabi'ani, ahdika siratan sawiyya. Il dit, oh mon père, j'ai eu une science que tu n'as pas reçue. Donc suis-moi, je te guiderai vers un bon chemin. Je sais que je fais des choses que toi tu ne sais pas. Ces choses-là seront un bien pour toi pour te parvenir, te faire parvenir à la vérité. Il a été gentil avec son père, pourquoi? Alors son père c'était un mu'anid. Pourquoi? Déjà parce que son père, et pourquoi? Par amour pour lui, pour le faire parvenir à la vérité. Les le disait à leur peuple, j'ai une science que vous n'avez pas. Je sais de Allah ce que vous ne savez pas. Et après, t'as Hub et Riyasa. Le premier, c'est Hub el-Imam, celui qui aime être un guide. Pourquoi? Pour faire parvenir les gens la vérité. Même, lui, c'est pour Allah qui fait cela. M'a affiché fi hada. Et il y a celui qui est Hub et Riyasa, c'est qui aime être un meneur, être devant les gens. Lui, c'est le problème pour sa personne. Et lui, il revient à ce que dit Charles Sem au début. Tu le vois. Quand lui, on n'obéit pas à ce qu'il dit, il se met en colère. Mais quand des choses sont faites devant lui, même passer à ça, il ne dit rien. Pourquoi? Parce que si un ami parle, ils vont fuir de lui, ils ne vont pas l'écouter. Donc il se tait, il ne dit rien. Et ça, c'est le bâtiment. Pourquoi? Par peur de perdre son groupe, ses compagnons, ou sa notoriété, ou Réa Zalika. Et dans le Kalem, là, dans le meute n'est pas cité, Wama'ana min mushrikin, dans Fath al-Majid, l'auteur a dit que ça, c'est lié, ça va venir dans les Masa'il. Ça veut dire je ne suis pas d'eux et je ne suis pas avec eux et je m'éloigne d'eux. Al-Ibad al-Mushrikin, ça veut dire les Masaïl, ça veut dire que même toi, tu ne restes pas avec eux. Ça amène à quoi ce qu'on avait dit dernièrement? La Hijra. Tu ne restes pas avec les Mushrikin. Et tu te désavoues d'eux. Ça veut dire le kafir, il doit savoir que tu n'es pas de lui. Donc ça amène une da'wa, il faut de la kouwa. Ça sert à rien de faire le gentil poli avec le kafir, c'est pour lui qui voit pas la différence. C'est pour l'appel à l'islam, mais qu'il sache qu'il est sur le faux. Taïb. Adam. C'est juste pour qu'ils ne soient pas vexés, ils ne soient pas frustrés, ils ne soient pas. Ils ne soient pas offensés. Tu fais le gentil avec lui. Mais il ne sait même pas que toi et lui vous êtes différents, dans le sens que lui il est sur le faux, toi c'est sur le haq. Ça sert à rien ça. Ah, c'est moudahana ça. Comme on dit souvent, le fait de l'appeler non-musulman. Dis-lui mécréant. Tu dis musulman, il ne saura pas la gravité dans laquelle il est. Son hel, le péril qu'il encourt, il ne va pas s'en rendre compte. On a pris bab, al-khof ne shirk. Toi, tu sais quel danger il encourt. Comment tu ne lui fais pas comprendre? Tu es obligé de lui faire comprendre. Parce que si un mec est gentil avec lui, il ne se rend pas compte que lui, ce qu'il risque, c'est le feu éternellement. Donc toi, dis-lui bien. Ton hel de kouf, c'est très très grave. Si jamais tu meurs là-dessus, tu vas être au feu. C'est pas un jeu. Donc cette politesse-là, elle n'est pas à sa place. Quand même, cette politesse-là, elle n'est pas à sa place. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma kana yastamil al-uslub. Taïb, ba'da hadha qal, al-mu'allif, al-Ibn Abbas, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lama ba'atha mu'adhan lil-Yaman, qala lahu, innaka ta'ti qawman min ahli kitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi, shahadat an la ilaha illallah. Wa fi riwaya, ila an yuwahhidu Allah. فإن أم أطاعك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Il a dit, tu vas te rendre auprès d'un peuple des gens du livre. Donc la première chose à laquelle tu les appelles, c'est l'attestation de la ilaha illallah. Dans une version, qu'ils unifient Allah. Et si jamais ils t'obéissent en cela, alors fais-leur savoir que Allah leur a imposé 5 salawat de jour et de nuit. Si jamais ils t'obéissent en cela, alors fais-leur savoir que Allah leur a imposé de leur prendre une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, de leur bien, parmi leurs riches, et de la remettre à leurs pauvres. Et si jamais ils t'obéissent en cela, alors prends garde au fait de prendre le meilleur de leurs biens. Et ils craignent la vocation du lésé, du mazloum, car il n'y a aucun hijab, aucun voile entre cette invocation et Allah. C'est-à-dire qu'il te répond directement. Donc là, dans ce hadith, par le shir, du fait qu'il a envoyé, il a averti qu'il allait voir Al-Kitab. أي ليسوا جهالا بل عندهم علوم وشبه فنبهه ليستعيد لهم وليبلغ لهم أمر الله Donc il a dit quoi? Il l'a averti pour savoir qu'il va se rendre vers des gens qui ne sont pas des ignorants, mais qui ont de la science et qui ont des ambiguïtés. Donc il l'a mis cela en évidence avant qu'ils se préparent. Comment affronter cela et qu'ils leur fassent parvenir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le mourad, merci des Al-Kitab, c'est Al-Yahoud ou Nassara, les Juifs et les Chrétiens. Car à l'époque, au Yémen, c'était eux qui étaient les plus nombreux. Il y avait des mouchrikoun, mais les plus nombreux, c'était les Yahoud ou Nassara. Donc là, ça fait un tambih de quelqu'un qui se dit da'i l'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait da'wa, mais c'est comme en France, qui appelle le tawhid. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait allusion à qui? À la masse des gens du pays. C'est Al-Yahoud ou Nassara. Donc toi, tu regardes le hel des gens du pays pour leur faire da'wah à la chose que Allah leur a ordonnée. Quand même, tu leur bayes leur coufre pour qu'ils sachent dans quel fou ils sont pour les appeler à la vérité. Donc maintenant, appelé au tawhid en France, quand tu fais des durus de tawhid avec des frères sur la sunnah avec toi ou des muslimines, c'est une bonne chose. Jazakallahu khayra. Tu leur apprends des masaïd dans le tawhid. Ce sur quoi était le Quraysh. Pour pouvoir assimiler c'est quoi les bases du shirk. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'y est pris. Mais maintenant, il faut savoir une chose, avoir le fiqh. Fiqh, ad-da'wa. Tu ne vas pas aller voir les Français, quand même, les Français de souche, ou les habitants de la France, et leur montrer qu'invoquer les morts, c'est le shirk akbar. C'est le shirk akbar, mais la shirk. Mais leur shirk à eux, c'est pas là-dedans qu'ils se trouvent, principalement. Il y en a, ils le font. Mais la masse de la France, c'est pas ça leur shirk. Tu veux leur dire ça, ils vont dire. Il y en a, ils vont dire, je crois même pas en Dieu. J'invoque personne, moi, ils vont te dire. Ouais, je crois pas en Dieu, et je crois pas en moi, je crois pas au saint, je crois pas en rien du tout. Donc tu veux dire ça, ça sert à rien, frère, tu veux le dire. Donc, déjà, lui, peut-être c'est le boubouillé en premier lieu qu'il faut lui faire. Et demain, tu auras. Les chrétiens, ils diffèrent. Il y a différents sectes chez les chrétiens. Attendez, ils vont pas dire que Issa, c'est le fils d'Allah. Ils vont dire, pour moi, c'est, je sais que c'est un messager. Pourquoi tu me dis que j'adore Issa? Je l'invoque pas, moi. Donc sache à qui tu as affaire. Mais la masse, aujourd'hui, de la France, leur principal couf, il est basé sur quoi? Sur leur valeur républicaine. C'est ça, alors, en mouchkila. Leur laïcité, leur démocratie, leur régime politique, leur. Comment on appelle ça? Dostour. Pas Dostour, j'ai oublié comment on traduit Dostour. Sur quoi se base le pays aujourd'hui, c'est à ça qu'ils sont attachés. Les valeurs de leur pays. Donc c'est ça que tu dois, le point sensible c'est celui-là. Sur lequel tu dois appuyer. Leur faire comprendre que ça c'est du shirk. Valeur républicaine, ce n'est rien du tout, ça n'existe pas ça. Les valeurs, c'est le d'Allah, ce moment-là. Donc faire comprendre que les vraies valeurs sont dans la charia, pas dans la démocratie. Et que cela revient au tawhid. Ça revient au tawhid, tout cela. Donc savoir comment leur montrer. Parce que demain tu vas aller voir, tu leur dis, égorger pour Allah c'est du shirk. Il va te dire, moi, j'égorge même pas à la base. Moi, ma bête, je l'électrocute. J'égorge pas, moi. Donc, ce que tu me dis, ça ne me fait rien. Si tu veux égorger pour Allah ou pour ce que tu veux, c'est pas un problème pour moi. Ça va pas les déranger, ça. Parce que t'en as, ils racassent beaucoup là-dessus. Les koubours, les tombes, tawaf autour des tombes. On dit, non, c'est bien, c'est surtout pour les musulmans qui font du shirk. Mais eux, les koufars, ils connaissent pas ça. En faisant ça, tu vas pas l'éclairer. Tu vas pas l'éclairer sur le shirk dans lequel il est. Il va dire, moi, je sais pas tout ça, moi. Les tombes, je vais jamais au cimetière. Juste pour ma grand-mère, mon grand-père, je mets une fleur, je m'en vais. Je les invoque pas, il va te dire. Il dit, c'est quoi ton autre tombe? Ça me fait quoi de faire ça, il va te dire. Levez mes mains, invoquer dans la tombe. Il m'entend pas, lui. Tu vois? Il m'entend pas. T'en as pas, ils sont comme ça. Ils y croient pas. Donc ça, quoi, de parler à ça avec lui. Donc tu veux faire tawhid en France? Appuie sur le point sensible. Et là, tu vas vivre ce que le messager Allah, il a vécu chez Quraysh. Nabi Sallallahu Alaihi, il a appelé Quraysh, il a combattu leur divinité à eux. Il savait qu'ils adoraient Al-Lat ou Al-Uzza, sa divinité. C'est à ça qu'il l'a appelé. C'est pour ça qu'ils sont mis en colère et qu'ils l'ont combattu. Et ils ne te combattent pas parce que tu ne les appelles pas à la chose sur laquelle ils sont accrochés vraiment. C'est une bonne chose d'appeler à cela, les musulmans ne savent pas, pour unir les rangs des musulmans. Mais le kafir, ça là, ça ne porte pas grand chose. Donc d'abord, le tawhid, le kafir, il y a droit, en premier lieu. Donc comment tu l'appelles? Faut que tu saches sur quoi il est, c'est quoi sa ibada, sur quoi il va le placer, il lui montre cette ibada, elle est fausse, c'est du shirk. Et là, tu verras comment il va réagir. Maintenant là, ils font des da'wa, même le jour du Eid, ils appellent, le maire il est à côté d'eux, Ils font la khutbah du Eid, c'est un salafi. Et le maire, il sort, il est content. C'est pas normal qu'ils soient contents. Normalement, il aurait dit, hé, de quoi tu parles là? Normalement, ils sont pas contents. Tu dois avoir un discours. Soit il se remet en question et il fait tawbah, il revient vers toi. Soit il va te combattre. Mais il part content, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Et si tu n'arrives pas à le faire, il y en a qui vont dire, on peut pas faire ça. Ils vont nous combattre. Tayyib. Donc, tu ne peux pas faire da'wa ou tawhid. Donc, pourquoi tu restes là? 20 ans. Parce que là, ils disent, on fait da'wa en France. On dit, tu sais pas faire da'wa en France. Et ces da'wa que tu fais, tu peux la faire à l'étranger. Elle est pas... Tu peux la faire par internet, tu peux la faire par des audios. Sur place, va voir les koufars. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans les souks, il allait, au milieu des koufars, leur disait, dites la ilaha illallah. Dans les souks, il allait. Qui aujourd'hui va aller dans un souk et faire ça? Qui? On ne dit pas, tu ne peux pas le faire, tu peux pas le faire, taïeb. On ne t'impose pas de le faire. Mais fais pas croire que tu es en France, j'appelle au tawhid, on a besoin de moi, c'est pas vrai. Ta dawa au tawhid, elle est basse, très très basse. Le tawhid, c'est pas comme ça exactement qu'il faut le faire. Ça, c'est une partie du tawhid que tu fais. Mais le cœur du problème, tu ne l'as pas réglé. Et tu n'y as pas appelé. Là, tu as appelé à des choses qui touchent les musulmans. Encore, c'est une dawa qui serait peut-être. Va la faire au Sénégal, à Touba, Massalem. Là, on va voir si tu vas tenir. Va la faire au Maroc, là où il y a les soufis, là. Les Tijani, là où. Va faire ça. Tu arrives à le faire en France, c'est bien, parce qu'il ne va rien faire en France. Va la faire là où ces gens-là, ils sont présents. En leur sein. Le Nabi Sassan, c'est ça qu'il a fait. Mouaz ibn Jabal, il est parti où? Chez les chrétiens et les juifs. Pour les appeler à Allah, Allah. Maintenant, tu ne peux pas le faire. On ne va pas t'imposer. Mais il ne fait pas le talbis sur les gens. Que toi, tu es un da'i, Allah, tu appelles le tawhid en pays de Kouf et on a besoin de toi. On dit non. Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable, c'est pas vrai. Sois modeste. Dis, je fais ce que je peux. Quand même, je fais ce que je peux. Ce que, à faire là à côté, j'ai pas la force de le faire. Excusez-moi, c'est trop fort pour moi. Enfin, si tu dis ça, c'est un khayr. Au moins, ils reconnaissent. Mais t'en as, ils disent non, on doit rester. Nous, c'est un peu le tawhid. Si on s'en va, tu vas appeler les gens au tawhid. On dit les kuffars, tu les as pas appelés au tawhid, comment tu t'y prends là? Faut dire le haq. C'est pour ça que la dawa, c'est très très dur. Très très très très dur. Al-Muhim. Qui après cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que tu leur dises que Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé les salawat de jour comme de nuit. Donc ils appellent au fara'id. Tu les appelles au fara'id. Donc en premier le tawhid, après les wajibat. Et également, par la suite, tamam, mahu, az-zakah. Et Shir, il dit quoi? Par rapport à cela, il dit, إنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأنها أهم الأمور ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من حج وصوم وغيرها لأنها أو لأنهم يستجابوا لأمور الثلاثة المتقدمة فإن إجابتهم عن إيمان وقناعة وهذا الإيمان يدفعهم إلى بقية الشرائع ولذلك اقتصر عليها القرآن. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Donc il dit quoi, cher Ibn Baz? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de citer ces trois choses là seulement, qui sont shahada, la salat et la zakat, car à la base sont les plus importantes. Et il dit, les gens, si jamais ils répondent à cela avec la foi, ils vont répondre à tout le reste. Et dans le Coran, Allah le cite souvent. Dans le sens où il dit, que si jamais ils font tawba, c'est-à-dire yuslimo, et ils accomplissent la salat, c'est-à-dire de la zakat, alors ils sont vos frères en religion. Ils ne citent pas saum, ils ne citent pas al-hajj. Et également, dans le sens où Allah il dit, dans le sens, là c'est surat tawba. Et dans surat al-bayyina, la preuve, il dit, dans le sens, et cependant il leur était ordonné que d'adorer Allah seul, en lui vouant un culte sincère. Quand même, qu'ils accomplissent la salat, ils s'acquittent de la zakat. Et dans d'autres hadiths, Nabi Salam, il l'a dit également. Il a cité la shahada, salat ou zakat. Ce maqal, de prendre garde aux biens auxquels les gens sont attachés, car cela peut les amener à les faire fuir et à se mettre en colère. Quand tu prends les mêmes ces gens-là, dans les zakawat, tu penses qu'eux ils te donnent. Bien qu'eux n'ont pas le droit de donner ce qui est mauvais. Mais s'ils donnent le milieu, tu prends. C'est pas tu viens, tu prends le meilleur de leur bien. Tu dis non, c'est ça qu'il faut donner. S'ils donnent eux-mêmes, alhamdoulilah. S'ils ne donnent pas, leur prends pas de force. Il a dit, prends garde à l'invocation du mazloum. celui qui te fait du zulm. Et là, il t'a envoyé à qui, Mouaz? Au kuffar. Donc, même les kuffars ne sont pas injustes. Sois pas injuste. Parce que si ça va contre toi, tu as été injuste envers eux, leur darwa, elle sera exaucée. Même des gens qui font le façade en France, histoire d'attentats, qui volent leurs biens, soi-disant parce que c'est le butin, c'est des harbiyin, les koufars, c'est des gens de guerre, on en prend leurs biens. Eux, même t'as un moussoum avec une grande barbe, Aroma Barik, et lui c'est un mangeur de porc, quand même, s'il fait un dehors un jour, il dit mon Dieu, il lève ses mains vers toi, parce que je lui ai pris son argent, crois-moi que tu ne peux ne pas être épargné. Wallah Musta'an. Après, dans le troisième hadith, ou plutôt le troisième dalil, qui est le deuxième hadith en vrai, selon Sa'd ibn Sa'd, qui était, ça c'était quand? À Khaybar, bataille de Khaybar. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Lawatiyanna araya adan rajulan yuhibbullahu wa rasoola, yuhibbuhullahu wa rasooluhu, yaftahullahu ala yadayhi. Fabata al-nasu yadukun leylatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbahu غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه فدعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه أراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون يخوضون والحديث متفق عليه selon Sa'd ibn Sa'd que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, ça c'était la bataille de Khaybar, il dit certes je vais donner demain l'étendard à quel un homme qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment. Par lequel Allah accordera la victoire. Donc les gens passaient leur nuit à se demander qui était cette personne-là, et chacun espérait recevoir l'étendard, car c'est une noblesse. Il dit, Rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu, un homme qui est aimé par Allah et son messager. Donc tout le monde veut cela. Donc, le lendemain matin, ils sont venus. Chacun espérant qu'il allait recevoir un raya, l'étendard. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit où est Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit il a mal aux yeux, il se plaint de douleur dans ses yeux. Donc ils le ramenèrent. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, crachota dans ses yeux et il en fut guéri aussitôt, comme s'il n'avait rien eu. Et il lui donna l'étendard. Et il lui a dit pas et avance pas à pas. Même par étapes, jusqu'à ce que tu sois proche d'eux. Ensuite, c'est-à-dire les juifs à Khaybar. Ensuite, appelle-les à l'islam et informe-leur de ce qui leur est obligatoire, du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit par Allah, que Allah guide un seul homme par ta cause, cela est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Que les chameaux rouges. Donc là, ce hadith, déjà, fihi. Ifbat sifat al-mahabba lillah, que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Il y a plein d'autres adillah qui montrent cela. Et que là il est envoyé également pas à pas, c'est-à-dire prudemment. C'est comme ce fut le cas de Mouaz ibn Jabal, car les Yahoud sont un peuple de traîtres. C'est connu. Amen. Wala tazalu tattali wala khaynat minhum ila qalilan minhum. Tu ne cesseras de voir d'eux de la trahison, à part peu d'entre eux. Ce sont des traîtres, les juifs, c'est connu. Donc fais attention, ne te lance pas comme ça. Par exemple, comme des gens ils font darwa, ils se lancent comme ça, sans savoir dans quoi ils s'engagent. Fais attention, il se peut qu'il y ait un piège, qu'il y ait quelque chose derrière. Sois prudent. Ça fait partie de la darwa, sois prudent. Ne te lance pas comme ça, la tête la première dans un mur. Sache à qui tu as affaire déjà en premier lieu. Et appelle-les à l'islam. Et regarde bien, il a bien dit, Oud'oum l'islam. Il n'a pas dit qu'ils reviennent, qu'ils se reconvertissent. Il a dit appelle-les à l'islam. Et informe-leur du droit d'Allah sur eux. Informe-leur du droit d'Allah sur eux. C'est-à-dire le tawhid. Bien que les juifs, comme on l'a appris auparavant, connaissaient la ilaha illallah, mais ne l'appliquaient pas. Donc là, tu les appelles à cela et qu'ils l'appliquent. En réalité. Donc là, comme les ulama le disent, hadith min adillah, anna tajibu ad-da'wa qabla al-qital. Avant de combattre l'ennemi, lorsque tu pars en djihad talab, de conquête, avant de combattre l'ennemi, tu l'appelles à l'islam. Car c'est ça le but de ce combat. C'est pas prendre ses biens gratuitement. Le but c'est quoi? Antakoun kalimatullah al-ulya. Que la parole d'Allah soit la plus haute. Tu le combats, pourquoi? Pour le tawhid. Pas pour lui-même en soi à la base. Donc tu dois l'appeler à cela. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant d'envoyer un émir, kana yusi bi taqwallah. Il appelait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, parce que tu vas faire la crainte d'Allah. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas tu fais tout ce que tu veux. Ça aboie des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but, c'est qu'ils se soumettent. En premier lieu. Après, s'ils ne se soumettent pas, là, tu combats. Avec les règles du djihad, bien évidemment. Donc, le fait d'invoquer l'islam seulement, d'appeler l'islam seulement, ne suffit pas. Il faut également donner ce qui va avec. Et Cheikh Othmane, il dit, Mathalène, quelqu'un à qui tu appelles, que tu appelles l'islam, est-ce que tu commences par lui dire les obligations ou tu l'appelles ça en premier lieu? Il dit ça dépend des gens. Il y a des gens, si tu commences par les interdictions, les obligations, soit il va fuir. Et tu en as d'autres, ils vont accepter. Ça dépend du hel. C'est pour ça que le mad'ou, sache son hel, à qui tu as affaire, soit perspicace, soit comme on dit, sahib firasa, physionomiste. C'est de voir à qui tu as affaire, s'il est sensible. Est-ce que tu vois qu'il est quelqu'un qui est tahammel, qui va supporter, tu vois? Soit clairvoyant ton appel et sache qui a en face de toi. Car le but c'est quoi? L'appel à l'islam, qui entre en islam. S'il ne veut pas après, toi, Allah il t'a pas calef, il t'a pas rendu obligatoire qu'il rentre en islam. Toi ce qui t'a rendu obligatoire, dans ta capacité, c'est de l'appeler. Pas la peine de faire un peu de concession pour qu'il rentre en islam, comme des gens y font. Non, toi tu l'appelles comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. S'il rentre, faniyama fabiha. Et s'il ne rentre pas, ta récompense, alhamdoulilah, elle est là quand même. Tu as fait ta da'wa. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit juré par Allah en informant que le fait que Allah guide un seul homme par ta cause, cela est meilleur pour toi que les chameaux rouges qui étaient les plus grandes des richesses chez les Arabes à l'époque. Donc cela est meilleur pour toi que toute la dunya. La récompense que tu auras en tiré au Merkiyama, alors que dire d'être la cause de la guide de plein de gens? Et Cheikh Ibn Baz, il dit que même, c'est la guidée même d'un musulman, asif, asif, il dit ça rentre dedans. Et Cheikh Ibn Baz, il dit non, le vrai du hadith, c'est les kuffars. Tu vois, elle est sahl. Dans le Taïb, comme il dit, Cheikh Othmane, il dit quoi? Il dit, Lienna yahdi Allah ou bika, que Allah guide par ta cause. Il n'a pas dit que tu guides. Il a dit que Allah guide par ta cause. Il a dit, Al murad bil hidayah huna, hidayat al tawfiq wal dalala. Wa hadi al hidayah yamin Allah. C'est-à-dire, en fait, c'est Allah qui guide, c'est pas toi. Toi, tu es une cause. Et là, c'est la hidayah qui est la guidée du tawfiq et de la preuve. Celle-ci ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle m'a la guidée que toi, tu peux être la cause, c'est, elle est le shed, la direction que tu indiques. C'est celle des ulama, celle des du'at, celle des gens. Elle m'a, c'est le tawfiq, elle ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on prend les masa'il maintenant, pour finir le ders. Qal. فيه مسائل الأولى أن دعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كلا بل الله c'est la voix de celui qui a suivi le message d'Allah صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه le fait de mettre en évidence la sincérité dans ta da'wa car beaucoup de gens même s'ils appellent à la vérité en réalité ils appellent à eux-mêmes comme on l'a expliqué الثالثة أن البصيرة من الفرائض que la clairvoyance est parmi les obligations dans la da'wa. Arabi'a min dala'il husn at-tawhid kawnuhu tanzihan lillahi ta'ala 'an al-masabbahat. Al-khamisa anna man qub anna min qubh al-shirk kawnuhu musabbahatan lillah. Que parmi la laideur du shirk, c'est que c'est une offense envers Allah ta'ala. Une insulte envers lui. السادسة وهي من أهمها إبعاد والمسلم من المشركين لئلا يسير منهم ولو لم يشرك. Regarde, سادسة, parmi les plus importantes, il dit que le musulman doit être éloigné du mushrik pour ne pas devenir comme eux, même s'il ne fait pas de shirk, il ne reste pas avec eux. Tamam, ça revient à ce qu'on a dit. وما أنا من المشركين. C'est plus de ce verset-là, à la fin du verset. السابعة كون التوحيد أول واجب. Que le توحيد est la première obligation. ثامنا أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. commence par le tawhid avant toute chose même la salat. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة لا إله إلا الله. Le fait d'unifier Allah, ça veut dire la ilaha illallah, l'attestation. Ashira anna l'insan qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuhu. Wa huwa la ya'rifuha wa la ya'malu biha. Et que la personne, même s'il est parmi les gens du livre, il se peut qu'il ne connaisse pas cette shahada, ou il la connaît, il n'applique pas. Al-hadiyata'ashar, al-tambih ala ta'lim bitadrij. Le fait de mettre en évidence l'enseignement par étapes. Tu commences les choses les plus importantes à la plus importante. Al-thaniyata'ashar, al-bada'utu bil-aham fal-aham. De commencer le plus important par le plus important. Al-thalista'ashar, masrif al-zaka. Le fait de dépenser la zaka, de s'en acquitter. Al-rabi'ata'ashar, كشف العالم الشبهة عن المتعلم. Que le savant doit dissiper l'ambiguïté de l'étudiant. Comme il lui a bien dit, tu vas voir les gens du livre, donc fais attention. Il lui a montré que tu vas trouver des choubouates avec ces gens-là. Al-khamsta'ashar. Al-nahi an karaim al-amwal. L'interdiction de prendre les gens, les biens qui sont chers aux gens. Al-sadista'ashar. Ittika'u da'wat al-mazloum. De craindre la vocation du lésé. Al-sabi'ata'ashar. Al-ikhbaru bi'annaha la tuhjab. Qu'il informe que celle-ci n'est pas recouverte de voile. C'est-à-dire qu'elle sera répondue. Al-sabi'ata'ashar. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وصلتي الأولياء من مشقة والجوع والوباء. Qui est parmi les preuves du tawhid, ce que le maître des envoyés, c'est-à-dire le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a connu comme faim et comme difficulté. C'est-à-dire à Khaybar, ils ont connu des grands moments de faim. التاسعة عشر قوله لأعطينا الراية il akhar alam min a'lam an-nubuwah, le fait qu'il ait dit je donnerai l'étendard, ça c'est un signe parmi les signes de la prophétie. Al 20 tafluhu fi 'aynay ilmun min a'lam aydha, le fait qu'il ait soigné ses yeux est également un signe de la prophétie. Al 21 fadilat 'ali radhiyallahu anhu, le mérite de 'Ali radhiyallahu anhu. Al 22 fadlu as-sahabati fi dawkihim tilka al-layla wa shughlihim 'an isharat al-fath, kilmay des sahaba, du fait que toute la nuit ils ont parlé de cela à propos de la libération de Khaybar. Et ça aussi c'est des choses que j'ai oublié de citer, mais les choses qui font qu'ils voulaient aussi de Raya, c'est celui qui va faire ça, il sera celui qui aura conquéri Khaybar, c'est un fadl azim, même c'est un fadl azim, mais bien sûr l'amour d'Allah est encore plus grand. Al-thalitha wa 'ishrun الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. La foi au destin, que celui qui l'a reçu, celui qui ne l'a pas cherché, et en a été privé, celui qui l'a recherché. La science au qadar, au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que regarde bien, tout le monde souhaitait avoir le raya, l'étendard. Tout le monde espérait. Ils ont passé la nuit à en discuter, en espérant l'avoir. Et le lendemain matin, qui c'est qui l'a reçu? C'est Ali, alors qu'il n'y pensait même pas, il était en train de subir la douleur de ses yeux. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut décréter une chose à laquelle tu ne t'y attends pas. Tu vois des gens se battre pour avoir telle et telle chose, ça c'est quelqu'un qui est loin, qui n'a rien à voir, c'est lui qui va l'avoir. Donc attention à la jalousie par rapport à ça. C'est Allah qui décrète, qui donne ce qu'il veut à qui il veut. Comme quand il y a Azza wa Jal, « Wa la tatamannu ma faddalallahu ba'dahu ala ba'd » C'est-à-dire, ne convoitez pas ce que Allah préférait certains à d'autres. Si Allah a voulu donner un tel et pas à toi, c'est un tel et pas à toi. Il n'y a pas lieu de se révolter. Parce que les gens sont très jaloux. Pourquoi un tel il a et pourquoi moi j'ai pas? Pourquoi un tel les gens vont vers lui, pourquoi ils ne viennent pas vers moi? Pourquoi est-ce que les gens ils aiment lui, même pas moi? Parce que Allah a voulu que les gens ils aiment lui et pas toi. Et ça, la jalousie, comme à Kaleshir Abu Bilal, comme Ayyam, c'est une maladie, elle est adl. Elle est juste. Pourquoi? Il y a l'école al-hasad, yadour al-hasid. Aksar bin al-Mahsoud. La jalousie fait plus de mal au jaloux qu'au jalousé. Celui qui souffre en vrai, c'est qui? C'est le jaloux. C'est lui qui est en colère, qui a la rage, qui n'en peut plus, qui est en colère. Tu as un bien, il ne veut pas que tu aies ce bien-là. Toi, tu es tranquille dans ton coin, alhamdoulilah, tu fais ta vie. Et lui, tu ne fais même pas, toute la nuit, parce que à toi, il veut te faire du mal. Et toi, tu es là, alhamdoulilah, si tu te dis, tiens, tu veux boire un verre. Tu ne sais même pas, il t'en veut grave. Il parle sur toi tout le temps, et toi, tu es là, tout gentil, tout naïf, tu ne sais même pas, tu ne l'as pas vu ça de lui. Et il t'en veut à mort. Les jaloux. Et bien, qui c'est qui a du mal à ce moment-là? C'est lui ou c'est toi? C'est lui. Déjà, il prend le péché. Et en plus, c'est lui qui n'est pas bien dans son cœur. Toi, t'es apaisé. Après, c'est Hassad avec son règne, il peut t'avoir. Mais ça, c'est juste que Allah l'aura voulu. Donc, déjà, ils se battent ils font plein d'asbèbes, des fois ils font même dans le péché, dans le haram pour avoir des choses, et cette chose-là, ils n'arrivent même pas à l'obtenir. Et quelqu'un qui ne l'a pas demandé, ou qui n'est pas derrière, ou qui est occupé pour autre chose, ça lui vient comme ça. Allahu Akbar. Adi ni'ma azima. Arabia 20. Al-adab fi qawlihi ala rislik. Yani, le comportement, c'est quoi lorsqu'il lui a dit, il a dit, vas-y, pars pas à pas, vers les Yahoud, vers Khaybar. Al-khamistatu 20. Al-da'wat il l'islam comme le qital. Le fait d'appeler l'islam avant le combat. السادسة وعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا qu'il est légiféré pour ceux qui sont appelés avant cela et ensuite sont combattus. السابعة وعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. Le fait d'appeler avec sagesse de sa parole, il a dit, informe-leur de ce qui leur est obligatoire. الثامنة وعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. Le fait de connaître le droit d'Allah en islam. وتسعة وعشرون ثواب من يهتدى على يدي رجل واحد. La récompense pour celui qui aura pour qui par qui un homme aura été guidé par sa cause. Un seul. ثلاثون الحلف على الفتية. Le fait de jurer, mais lors de Futia, le fait de mettre une fatwa. Du moins lorsque tu informes d'un jugement shari'i. الذي أخذنا اليوم هو الدعوة إلى الشهادة نعم عفوا للتوالى اليوم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين